peut-être inconsciemment, malhabilement, je l'ai gardé et je le garde quel qu'il soit. Il y a le deuxième point qui était très important pour moi, c'était l'idée de migration. Pour moi, ce que je garde de migration, c'est ce qui est vie. Et ce qui est vie est mouvement. Donc, dans migration, il y a toujours le mouvement. Et c'est ça que je garde de migration. Il y a toujours des points d'attache, des points d'arrêt, des haltes, des points de repos, des points d'arrivée, mais il y a toujours un mouvement. Et tant qu'il y a ce mouvement, la migration ne conduit pas et ne mène pas à l'exil, puisque on porte toujours partout où on va sa petite patrie, ce qu'on est, son nom, sa langue, et même quand on change de langue. Et je vais revenir à cela. Donc, il y a dans la migration, d'abord pour moi, d'abord quelques termes qu'on utilise, que ce soit, moi j'utilise le mot passager pour reprendre le mot que je disais là au départ, pour reprendre le mot hébraïque ivri, qui veut dire que la première personne qui a passé, c'était Abraham, et le mot Abraham veut dire en hébreu celui qui a passé. Et le mot, même la langue elle-même est un passage. On utilise le même mot ivri pour quelqu'un qui est hébreu et pour aussi la parole. Donc, il y a toujours un passage, et pour moi, le passager est celui qui est migrant, mais qui n'est pas un errant. Et c'est le contraire de l'errant. Et venant d'un pays où on a vécu, où j'ai vu de près le désert n'est pas un lieu d'errance, c'est un lieu de nomadisme. Et le nomadisme est le contraire pour moi de l'errance, parce qu'il y a toujours des oasis, des lieux d'arrivée et des lieux de départ. Et il y a toujours une direction dans le nomadisme. Tandis que l'errance, c'est l'antidirection. Et c'est pour ça que pour moi, quand je me sens nomade, pour moi, c'est vraiment l'idée essentielle de migration. Mais il y a un point de départ, j'ai dit, et un point d'arrivée. Et c'est pour ça qu'on a fait une différence très importante entre le point de départ, par exemple, de Marie Cardinal et de Malika Mukaddem, qui sont partis du même pays, mais qui ne sont pas partis du même pays véritablement. Le même lieu peut être double, triple, multiple, et c'est ce qu'on porte en soi qui finalement donne à ce lieu-là son sens et sa signification pour les autres. Et c'est pour ça qu'on a fait la différence, que c'est dans le mouvement que persiste le point de départ, et c'est pour ça que l'écriture de Marc Cardinal et de Mukaddem sont très très éloignées l'une de l'autre, même si c'est parti du même lieu. Et c'est très très bien qu'on en parle des deux. Il y a aussi un mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a le point de départ, mais il y a le point de retour. Il y a toujours le retour au pays natal. Et le pays natal, on le porte en soi, mais il y a toujours le retour. Partout où on vit, il y a toujours un retour dans le pays natal, et les romans qu'on écrit, Assia Jabbar nous a donné un exemple tout à l'heure très très émouvant, d'un retour au pays natal qui est toujours en nous, qui est toujours présent. Et ce retour, comme on a signalé dans le cas d'André Chédid, peut être un retour mythique. On a dit qu'André Chédid n'écrivait pas sur la politique actuelle ni du Liban ni de l'Égypte. Pour elle, le pays natal est un pays mythique qui va au-delà de la politique, au-delà du social, et qui les englobe en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des œuvres où le pays natal va être élevé à un mythe sans qu'on perde de vue le poids culturel et la pesanteur réelle sur le plan politique et social. Il y a aussi, et c'est de cela aussi qu'on a parlé, un retour problématique au pays natal. On se souvient avec une nostalgie qui est ambiguë, et c'est le cas de Paul Ajac, qui parle d'une Égypte qui n'est pas mythique, où elle a été heureuse dans sa famille et malheureuse d'être forcée de partir, et où elle raconte, on se souvient de son pays, parce qu'on se souvient de son enfance, quel que soit le pays d'où on part. Et cette enfance-là, en général, est mythifiée. On a la nostalgie parce que le temps a passé et on mythifie son enfance, et c'est pour ça qu'on mythifie parfois le pays natal. Mais dans le cas d'un Paul Ajac, on ne peut pas mythifier. Il y a des personnes qui partent et qui n'arrivent pas, et c'est ça le cas le plus douloureux et le plus difficile. On a parlé des beurs qui ont une langue et qui n'en ont pas, qui ont une origine et qui n'en ont pas, qui sont partis et qui ne sont pas arrivés et qui ne peuvent pas retourner, et qui, même s'ils le veulent. Et c'est pour beaucoup de gens qui émigrent, qui sont des migrants, il y a ce point où on est entre les deux et on est nulle part. Et on crée un autre pays, on crée un pays qui lui-même est imaginaire et mythique, et quand on ne lui donne pas la parole à ce pays-là, quand on ne l'exprime pas en parole, il devient un pays de violence. Parce que le contraire, l'antipode de la parole, c'est toujours la violence. Dès que la parole s'arrête, c'est la violence qui prend le dessus. Et à ce moment-là, quand on ne sait plus d'où on est parti, où on veut retourner, on a recours à deux éléments que tout immigrant connaît et qui sont, à mon avis, et dans mon cas, pour moi, sont néfastes. C'est le sentiment d'exil et le sentiment de nostalgie. Et l'un est lié à l'autre. On n'est jamais exilé si on accepte de vivre, c'est-à-dire on accepte de vivre là où on est. On est exilé parce qu'on refuse la vie. Il y a dans l'exil un refus de la vie, une manière de s'approcher de la mort, parce qu'on rêve d'un retour d'un pays qui n'existe plus. Même quand on y retourne, on ne le retrouve plus, ce pays-là. Et l'exil, à mon avis, est débilitant, et c'est une forme d'acceptation de la mort. Et bien sûr, on est exilé dans la parole, on est exilé dans la langue, mais la langue elle-même, par l'expression, nie l'exil et conduit à la libération. Et la nostalgie est encore un rêve d'un pays qui n'existe plus, parce que nous-mêmes, on a changé, et le pays qu'on a connu n'existe plus parce qu'on n'est plus les mêmes. Et quand on retourne dans un pays qu'on a quitté il y a longtemps, notre nostalgie devient amertume. Donc, pour moi, je me sens Montréalais quand je parle d'une ville qui est ma ville. C'est vraiment Montréal, même si cette ville-là, et j'ai fait des rapprochements entre Bagdad et Montréal, et je les ai trouvés. Ce sont des villes de passage, des villes cosmopolites, historiquement différentes, mais où il y a des quartiers. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai trouvé des quartiers canadiens-anglais, des quartiers juifs, italiens, etc. À Bagdad, il y avait des quartiers arméniens, chrétiens, exactement de la même manière. Alors donc, on retrouve toujours sa ville natale là où on vit, si on veut, si on accepte cette ville, si on accepte, autrement dit, la vie elle-même. Il y a la langue. Certains parmi nous ont changé de langue. C'était mon cas, et c'est le cas de plusieurs de ceux qui ont parlé. On a une langue. Moi, en plus, j'avais écrit la langue arabe. J'étais écrivain de langue arabe avant de devenir un écrivain de langue française. Et j'ai mis 15 ans à changer de langue. Et j'ai essayé de décrire qu'est-ce qui nous arrive quand on change de langue. Qu'est-ce qui nous arrive quand on change de civilisation. C'est beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin pour celui qui écrit que pour celui simplement qui utilise la langue pour communiquer, pour avoir des échanges avec les autres. Donc, mais il y a même ceux qui ne changent pas de langue, ils portent en eux des dialectes, des langues parlées autres, et des langues, même s'ils ne l'ont pas écrite, des langues qui persistent en eux. Et qui et j'écoutais tout à l'heure Assia Jebbar, et j'ai commencé à essayer de faire les sémantiques de certains mots arabes qu'elle utilise. Et c'est un jeu qui n'est pas uniquement un jeu, c'est un rapport avec un point de départ qui est un point d'essentiel. La première parole demeure en nous, et tout ce qu'on écrit est imprégné par cette parole première qu'on a entendue, par le rythme, par la mélodie première, et qu'on la nie ou qu'on la poursuit, cette mélodie-là persiste dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que quand on parle de l'écriture migrante, il faut toujours voir d'où elle part et s'il y a une persistance de langue autre, et il y a aussi peut-être une mélodie qu'on voit chez les femmes migrantes qui est une mélodie autre mais qui se rapporte à toutes les mélodies que tout homme a entendues, puisque cette mélodie-là l'a accompagné quel que soit le pays où il est dans sa vie. Et je voulais dire aussi que les langues occidentales, et c'était le cas pour moi de français, pour beaucoup, c'est une langue qui est ambiguë. C'est une langue où on chante la libération dans la langue qui, pour certains, était la langue de l'oppression. Et c'est une manière de détournement de langue qui est plus qu'un détournement, de recréation de la langue. On s'approprie une langue et on la détourne et on en fait notre propriété et notre idiome. Et c'est pour ça qu'une langue peut être la langue de l'oppression, mais en la détournant, peut être aussi la langue de la libération. Je me souviens de mots de notre écrivain migrant qui est très très grand, Elias Canetti, qui dont a parlé très très bien Régine Robin dans son dernier ouvrage. Elias Canetti qui a dit il continue et il continuera toujours à écrire uniquement en allemand, simplement pour dire aux nazis que cette langue-là ne leur appartient pas. Lui, juif vivant en exil, il veut dire aux Allemands que cette langue-là lui appartient aussi et qu'il l'utilise simplement pour dire aux nazis que c'est pas leur langue. Donc, la langue peut aussi être une forme, quand on se l'approprie, une forme pour dire notre libération et pas seulement l'oppression. Et c'est, en tout cas pour moi, le français était une langue qui, dès le départ, était une langue où j'ai lu les écrivains qui ont chanté aussi la liberté, et où moi aussi j'ai essayé de dire ce que je suis et ce que j'essaie d'être. Et donc pour moi, c'est une langue qui m'a donné d'abord sa propre richesse, mais aussi une manière de me libérer de toutes les oppressions que j'ai dû subir enfant. Enfin, et je termine là-dessus, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, alors je termine là-dessus, il faut quand même que je parle de quelque chose d'assez unique pour moi, parce que je parle comme homme. je dois quand même, je dois m'affirmer comme homme. Je dois le faire d'une manière forte, mais aussi pour dire que peut-être il faut voir aussi dans la parole des femmes, par la parole des femmes, la misère de l'homme. Tahar Ben Jaloun a parlé de la misère de l'homme maghrébin. Il a dit une fois qui est très très belle, c'est que on a beaucoup parlé, et Assia Jebbar parlait tout à l'heure de l'homme comme le adou, l'ennemi. Moi, dans mon enfance, les femmes n'appelaient pas leur mari le adou, il l'appelait unta. Il s'adressait à l'homme, unta, toi. Et toute ma vie, j'ai dit à qui on s'adresse. Quand ma grand-mère parlait de son mari, elle, dit, elle lui disait, enfin, il était mort avant ma naissance, et comme ma mère disait « unta » pour parler à son mari, je dis à qui elle s'adresse. Parce que cet homme-là, il était toi, mais est-ce qu'il arrivait à être moi? Et c'est ça qui est la misère de l'homme, parce qu'il n'arrivait pas à remplir ce qui était lui-même. Et ce que Tahar Ben Jalloun, et je reviens à ça, a dit, c'est qu'on a donné à l'homme maghrébin, elle parlait de l'homme maghrébin, une image de lui-même qui était l'image de maîtrise, de force, de mal, et toute la partie tendresse, affection, affectivité, sensiblerie sensibilité a été complètement éliminée. Et cet homme-là est misérable parce qu'il n'a pas pu affirmer cette sensibilité, il n'a pas su ou pu ou voulu même après affirmer son amour, son affection. Il le fait avec les enfants. Et j'ai remarqué que les pères orientaux, et c'était mon cas, sont très très très proches de leurs enfants et sont très amoureux de leurs enfants parce que dans leur enfance, ils ont reçu ça de leur père aussi. Et de leur mère, et ils n'ont pas pu pendant longtemps pu l'affirmer sauf en cachette et en ayant honte de le faire envers les femmes et envers les autres. Et c'est pour ça qu'il y a, et c'est pour ça que je parle en homme, et je vous dis que pour l'homme aussi il y a une forme de misère quand la femme est malheureuse. Quand une femme est malheureuse, c'est que l'homme est doublement malheureux, parce que lui, on lui a dit il faut protéger la femme, la faire vivre, lui donner la nourriture, etc., mais aussi être son maître, mais et il ne la voit plus. Et pour ça, il est, non seulement il ne la voit plus, et il n'a plus de moi lui-même, parce qu'il ne se voit plus lui-même. Et c'est pour ça que je dis que l'homme, quel qu'il soit, ne peut avoir une parole qu'une parole de conversation, de dialogue et d'échange. Merci. Toujours la même captation, j'ai une bronchite, donc de temps en temps je mousse, je crache, je tousse, ça prend quelques secondes, mais vous m'excuserez. Je voudrais commencer, parce que je crois, comme l'a très bien dit Maroussia tout à l'heure, que ça a été très difficile pour nous de commencer cette séance après les paroles d'Assia Djebbar, et je voudrais revenir en introduction, avant de répondre aux questions précise de Maroussia par rapport au colloque, sur la fin de ses paroles d'Assia Djebbar, comment écrire aujourd'hui le sang de l'écriture. Alors je voudrais dire à Assia, de ma position infiniment confortable dont j'ai honte, qu'il faut écrire et jamais s'arrêter. Parce que si ce n'est pas le risque du sang de l'écriture, c'est l'écriture du sang, et je crois que ce n'est pas un jeu de mots. Parce que dans l'acte d'écrire, et surtout dans l'acte de l'écriture littéraire, je vais essayer d'expliquer pourquoi je privilégie l'écriture littéraire, même si je sais le nombre de journalistes, le nombre de reporters qui ont payé de leur vie, de leur travail. Parce que l'acte même de cette écriture, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, est un acte de résistance absolue. C'est pas tant le contenu de ce qu'on écrit, qui peut être extrêmement divers, et l'écriture peut être aussi bien au service de tous les bourreaux, nous le savons bien. Donc ça n'est pas tant le contenu que l'acte d'écrire, que ce travail qui aujourd'hui a tendance à être considéré comme ne servant à rien, ce que souvent les étudiants me disent, je suis dans un département de sociologie, la littérature, à quoi ça sert? Dans un monde où on a de plus en plus d'experts, et là je ne parle pas simplement des problèmes de répression dans le monde, mais simplement de l'évolution sociale générale, où on a tendance à transformer l'intellectuel en expert, l'acte d'écrire est, je crois, ce qui est aujourd'hui la résistance absolue. Parce que l'écriture littéraire, et je dirais que ce colloque est exemplaire à cet effet, constitue un travail qui entraîne un certain nombre d'opérations. Un travail qui va toujours prendre comme matière première le discours social, tous les discours qui traînent, qui circulent dans notre société, la multiplicité de ces discours et des positionnements, mais va opérer des décentrements, va opérer un travail d'opacification de ce qu'étaient les évidences au départ, un travail d'hétérogénéité, va inscrire des points de vue multiples, pluriels, même si le narrateur prend position, il restera qu'il y a d'autres, il y a des personnages, et des personnages qui représentent ces points de vue et d'autres. Il y a donc une circulation de la parole, et si la littérature n'a pas du tout pour but de trouver les solutions aux problèmes, toutes ces petites discussions qu'on a eues et sur lesquelles je reviendrai après, si la littérature n'a pas pour but de trouver des solutions à un problème, elle montre les problèmes, elle les déplace, les décentre, et permet de poser des questions autrement, et de trouver bien sûr des solutions imaginaires, on l'a vu, ou mythiques, mais ce n'est pas du tout péjoratif dans ce sens-là, mais qui permettent d'obliger à rendre ce qui paraît très simple dans les positions de départ extrêmement complexes. Et nous l'avons vu dans ce colloque où il a toujours été question d'écriture, c'est la complexité, je dirais c'est le paradigme de la complexité qui est complètement ressorti de ce colloque. À quel point, de quelque origine qu'on soit, confronté à une autre culture, le travail d'écriture permet de toujours de faire avec les deux, de trouver des types d'échappées, d'espaces de liberté par ce travail d'écriture. Alors, je crois que si on ne veut pas laisser l'écriture du sang se propager comme elle se propage aujourd'hui, c'est le risque du sang de l'écriture qu'il faut prendre à bras le corps. Et je crois que c'est tout ce qui nous reste. Nous parlons souvent de l'impuissance des intellectuels, mais nous avons au moins cette puissance-là. Et celle-là, je crois que nous devons la prendre à bras le corps. Alors, c'était dans l'émotion qui a suivi tes paroles, ce que je voulais te dire personnellement. Maintenant, pour revenir au colloque et aux questions posées, je crois, avec beaucoup de pertinence par Maroussia, je voudrais simplement dire en introduction, puisque Naïm a parlé de l'importance du nom et de ce questionnement qui a toujours, enfin, devant lequel il s'est toujours trouvé, mais d'où êtes-vous, avec, si j'ose dire, avec un nom pareil, d'où êtes-vous? Alors je dirais que je suis beaucoup plus hérétique et hypocrite que lui, parce que moi je me suis débrouillée pour que la seule question qu'on ne me pose pas soit celle-là. Régine Robin, avec l'accent que j'ai, jamais personne ne me demande d'où je viens, jamais. Je suis inscrit comme ça, là j'ai un bleu, blanc, rouge sur la tête. Je passe ma vie à chercher de délaver ces couleurs et rien n'y fait. Que j'ouvre la bouche en français ici, puisque je vis à Montréal, on me dira t'es française. Ou que ce soit aux États-Unis où je vais souvent avec mon accent français, you are French, avant que j'ai dit deux syllabes. Bon. Autrement dit, cette espèce de. Et puis le nom, Régine Robin, est. Parfaitement français. Alors, je ne m'appelle pas du tout Régine Robin, comme un certain nombre le savent. Je m'appelle Rivka Eiserstein, mais évidemment, quelque chose s'est produit dans ma vie un jour qui a fait que je suis passée de Rivka Eiserstein à Régine Robin. Et au moins, cette question-là ne s'est jamais posée. On ne me demande jamais d'où je viens, d'où peut-être une écriture qui insiste sur le d'où je viens. Donc, c'était une façon plaisante de dire que c'est pas forcément ça qui compte, même si c'est important, parce qu'il y a toujours ce travail effectivement de l'entre-deux pour quelqu'un qui a bougé, qui a migré, qui a changé de langue ou n'a pas changé de langue, je vais y revenir, et qui travaille toujours en tous les cas dans l'écriture. Comment avez-vous vécu votre expérience de migrant dans l'écriture? Eh bien, j'ai commencé à répondre. Et je répondrai comme quelqu'un a répondu dans une communication. Moi, je suis vraiment devenue française ici. C'est-à-dire que pendant 35 ans, j'ai été française en France, mais à la limite, sans que ça pose de vrais problèmes. Mais c'est ici que je le suis vraiment devenue, parce qu'à me l'entendre dire tous les jours, j'ai fini par me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ces problèmes d'identité? Je ne connaissais le sens du mot identité que dans celui de la carte d'identité. Parce que ça, c'est important, il faut avoir ses papiers, il ne faut pas les perdre. Et à chaque expérience de la perte de la carte d'identité, quand j'ai voulu avoir une nouvelle carte d'identité au commissariat, c'est une chose que je raconte dans un de mes livres, ça a toujours été compliqué, parce que moi je suis française de naissance, mais pas mes parents, juifs polonais avec des noms à rallonge. Et il fallait à chaque fois refaire le circuit, bon vous êtes né à Paris, très bien, vos parents. Alors là commençait une épopée, ben, en Pologne, donc ils sont naturalisés, ben oui, ils ont été naturalisés, à quelle année? Alors heureusement, je savais ça par cœur en 48. Ah bon? Mais alors il faut écrire à Nantes, parce qu'à Nantes sont les registres de naturalisation. Et quand vous aurez les papiers de Nantes, vous reviendrez, parce que c'est seulement avec les papiers de Nantes qu'on pourra vous refaire une carte d'identité. Alors moi, j'avais beau dire, mais puisque je suis française, ah oui, mais ce qui compte, c'est les parents, les grands-parents, etc. Je n'insiste pas. Je n'avais quand même, malgré cette difficulté, pour moi, il n'y avait de sens du mot identité que dans la carte d'identité. Mais alors au Québec, j'ai découvert que le mot identité était chargé d'un sémantisme beaucoup plus complexe. Si bien qu'a commencé à se poser ces problèmes en disant, bon, eh bien, puisque l'identité est si importante ici, c'est quoi mon identité ? Perplexité, parce que évidemment, ma francité ne faisant pas problème, la judéité en faisant beaucoup plus, c'est ça voulait dire quoi tout ça ? Et ça voulait dire quoi tout ça en se retrouvant dans un pays autre dont la langue était la même sur le plan du code linguistique, mais dont les usages, l'accent, étaient quand même tout autres. Donc je crois que c'est cette expérience-là, cette expérience de migrant, comme je l'ai dit un peu dans la Québécoise, mais dans d'autres articles aussi, dans cette expérience de l'étrangeté dans le même, qui a été vécue par moi et que j'essayais de transcrire dans l'écriture. Crise ou enrichissement, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Je crois qu'il n'y a pas d'enrichissement sans qu'il y ait crise. Je me méfierais d'un enrichissement sans crise. J'aurais vraiment l'impression d'une idylle, et je me méfie des idylles, après avoir travaillé tant d'années sur le réalisme socialiste. Je crois que ça se termine toujours très mal. Donc je préfère les crises qui sont vécues comme crises et qui permettent des dépassements ou des choses un peu chaotantes. Des synthèses maladroites, mais qui permettent un véritable travail. Autrement dit, je ne crains pas la crise, je crains en général les crises qu'on ne voit pas, qu'on dénie sur ce plan-là. Les conditions de production, ça c'est une question un peu autre, un peu décalée par rapport à notre colloque, mais je dirais que oui, bien sûr, pour une femme migrante, et là je dirais quel que soit son statut social, parce que moi, je suis arrivée bardée de diplômes, j'étais déjà professeure à Nanterre quand je suis arrivée, donc je ne peux pas me prendre comme le modèle représentatif des femmes migrantes, pas du tout. Mais je dirais qu'à ce moment-là, dans l'expérience de la femme migrante, dans une expérience d'écriture, ça n'est pas tant le statut social qui compte que l'expérience de migrante. Et que même avec un statut social de professeur d'université, etc., les difficultés sont considérables au niveau de la production, parce qu'on se heurte à une institution littéraire qui est moins fermée ici qu'ailleurs. Je dirais qu'elle est moins fermée ici qu'en France, ça ne sera un mystère pour personne, mais qui est quand même redoutable. C'est-à-dire qu'il faut trouver les directeurs de collection qui s'intéressent à ce que vous faites. Il faut ouvrir, il faut forcer les portes pour se faire publier. Donc il y a là, je ne sais pas si c'est le facteur femme, le facteur de migrante ou le facteur femme migrante ou les deux à la fois, mais il y a je crois que tout le monde a fait cette expérience. Après, les choses vont mieux une fois qu'on a forcé les portes une première fois, mais il faut quand même forcer les portes, ça n'est pas acquis, ça n'est pas quelque chose de simple. L'appartenance à plusieurs langues, alors ici c'est un énorme problème, Naïm en a parlé très bien, je n'ai pas cette expérience-là directement, le français n'est pas ma langue maternelle, mais comme j'étais cachée pendant la guerre et que tout de suite on m'a parlé français, même si j'étais séparée de ma mère, le français est quand même devenu, même si ce n'est pas ma langue maternelle, une langue quasi maternelle. Bon. Donc je n'ai pas comme Naïm. Je n'étais pas écrivain dans une autre langue, et je n'ai pas eu à faire ce chemin, mais je dirais que sans avoir eu à faire ce chemin, et le dernier livre que j'ai fait parle de cela, je me sens quand même habitée par une autre langue quand j'écris. Justement, cette langue maternelle, que j'ai toujours parlé avec ma mère après, jusqu'à sa mort, puisqu'elle ne parlait guère français, et qui est aujourd'hui quasiment une langue morte. Le yiddish aujourd'hui, en dehors des hassidim d'Outremont, ici je parle pour Montréal, il n'y a plus personne sauf quelques vieux qui sont très étonnés quand ils m'entendent parler, parce que je suis un peu plus jeune qu'eux quand même, de voir qu'il y a encore comme ça des gens entre deux âges qui parlent cette langue. Mais c'est pour moi presque une langue morte et presque une langue de mort. Et je me sens habitée par cette langue de mort et presque chargée de mission. Il y a quelque chose d'un peu métaphysique, je fais beaucoup de traductions du yiddish en français, mais avec l'idée que nous sommes encore un certain nombre à pouvoir le faire, de ma génération. Donc il faut traduire les romans de la modernité yiddish qui n'ont pas été traduits en français, parce que si on ne le fait pas, les jeunes, eux, seront tout à fait incapables de le faire. Donc ce n'est pas tout à fait la même expérience, mais c'est quand même une expérience d'entre-deux, une expérience d'être habité par autre chose, et parfois dans la prosodie même, dans le français, d'essayer de rendre quelque chose de la phonie, de l'entendu, du perdu, d'une autre langue. Je crois que ça, c'est important. Et là, je voudrais dire d'abord tout le bonheur que j'ai eu à vous entendre tous et toutes, et à poser un certain nombre de points, puisque je crois que c'est ce que Marussia nous demande aussi, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de Naïm. On n'a pas tout à fait les mêmes positions, mais je crois que c'est très bien, parce que ça permettra peut-être une discussion dans la salle. Moi, je me sens plus que Naïm, mais c'est aussi peut-être le biographique qui peut nous départager, beaucoup plus dans l'exil, sans que ce soit dramatique, mais j'ai rien contre la notion d'exil, j'ai rien contre la notion d'errance, et je me sens parfaitement étrangère à moi-même, mais je crois qu'on n'entend pas tout à fait dans le même sens, sans vouloir te rendre étranger, parce que je crois qu'on l'est par définition, donc pas te rendre plus étranger que tu n'es à toi-même. Et je crois aussi qu'il n'y a pas de retour. Naïm parlait, on revient toujours au pays natal, moi je crois qu'on n'y vient jamais. Peut-être qu'on veut dire la même chose du reste, quand on dit cela, mais je voudrais m'en expliquer. Il y a un texte de Lévinas que j'aime beaucoup, où il compare Ulysse revenant à Ithaque, et puis Abraham quittant Ur et ne devant jamais y revenir. Alors, nous dit Lévinas, bien sûr, Ulysse prend son temps, comme vous le savez, pour revenir à Ithaque. Ça prend quand même du temps et des détours. Mais enfin, on ne doute jamais que quelque part au bout de l'Odyssée, il y a une terre, une femme qui l'attend, son chien, enfin il y a quelque chose. Alors que quand Dieu dit à Abraham qu'il doit quitter Ur et qu'il prend son baluchon, il n'y a pas de retour à Ur. Alors, je ne sais pas, parce que Lévinas poursuit, et là il faut quitter Lévinas, si c'est des paradigmes emblématiques de civilisations différentes, je n'en sais rien. Mais je dirais que l'écrivain est plus du côté d'Abraham que du côté d'Ithaque. Et que ce soit dans l'imaginaire, que ce soit dans le mythique, je crois qu'on ne revient pas. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne revient pas. Donc toute l'écriture est justement, je crois, ce débat avec on ne revient pas, puisqu'on recherche, on cherche peut-être bien que si, peut-être bien que non, sous quelle forme. Toutes les nostalgies à ce moment-là jouent, mais les rares fois où il y a des passages à l'acte, où on se sort de l'écriture pour se dire « mais si j'allais y voir ?» Eh bien, on a toujours une expérience compliquée et souvent beaucoup plus douloureuse que l'espace qu'on imagine dans l'écriture. Parce que ce qu'on retrouve n'est absolument pas ce qu'on a laissé, n'est absolument pas ce qu'on a projeté. Et souvent, d'ailleurs, on a tué tous les fantasmes par toutes sortes de retours. Donc je crois que l'écrivain est celui qui ne revient jamais, sait qu'il ne peut pas revenir, et dont l'écriture est justement la trace de ce débat, parce qu'on ne se défait pas, là je suis tout à fait d'accord, du pays natal. Donc l'écriture va être justement ce mouvement de va-et-vient, de déport, retour imaginaire, de travail, de déconstruction des nostalgies, de réinscription d'un espace imaginaire dans lequel va s'inscrire le pays natal déplacé. Enfin, tout un travail qui est extrêmement divers, parce qu'aucune écriture ne ressemble à une autre écriture. Je crois que ce débat-là, de façon principielle, fait qu'il n'y a pas, il n'y a pas de retour. Et étranger, parce que nous sommes des sujets divisés, et je crois que l'écrivain, au moins, est celui qui, même s'il n'a pas de savoir psychanalytique, et surtout s'il ne s'encombre pas de savoir psychanalytique dans l'écriture, ça donne des catastrophes, mais sait très bien à quel point il est clivé, et je crois que l'expérience de la migration, j'ai eu l'occasion de le dire, concrétise absolument cette division. Mais on n'a pas besoin de ça pour être dans la division. Mais quelqu'un a dit aussi sujet divisé, mais aussi sujet composé. C'est-à-dire qu'en somme, l'écriture est aussi, surtout pour quand on a l'expérience de la migration, quelque chose qui vient conjurer le morcellement. L'écriture, non pas parce que l'écriture arriverait à saturer ou à suturer les trous ou les blancs, mais parce que par l'écriture, on se reconstitue une autre unité, un autre type d'unité, un peu comme dans une cure analytique. Et je crois que la comparaison entre le travail d'écriture et la cure analytique n'est pas fortuite. C'est-à-dire, c'est une autre forme de son histoire qu'on réinscrit dans l'écriture, des généalogies ou des filiations imaginaires ou des réconciliations plus ou moins mythiques avec les vraies filiations, mais que par là on se reconstitue autrement, on se retrouve un type d'unité sans que ça soit de la suturation ou de la saturation, et que c'est ça aussi qui est la force, je crois, de l'écriture. Nomadisme, je suis d'accord avec toi, mais je dirais, je ne crains pas errance et je ne crains pas exil, je ne pense pas que ce soit péjoratif ou le malheur absolu, parce que, et là c'est une petite discussion qui a été commencée entre nous mais qui n'a pas pu déboucher, je crois au privilège de la déterritorialisation dans l'écriture. Je crois que toute écriture est une écriture de déterritorialisation, même avec des degrés et des formes extrêmement diverses. Et là, je voudrais dire un mot, revenir et dire un mot sur une discussion qui n'a pas pu prendre corps à propos des déterminations sociologiques, par exemple, qui feraient que Marie Cardinal ne pourrait pas avoir la même expérience que des écrivains beurs, puisqu'elle était de l'autre côté du Manche, si j'ose dire. Alors, je ne pense pas que ce soit un argument. Et ça m'explique toujours pas ce que j'aime pas dans l'écriture, dans la non-écriture de Marie Cardinal. Parce que je crois que l'expérience de l'écriture, de son décentrement, pulvérise aussi ces déterminations sociales comme ça. C'est pas direct. Si je prends l'exemple de quelqu'un que je connais bien de près, qui est Kafka, écrivain à Prague germanophone. Alors certes, écrivain juif germanophone, deux fois minoritaire, mais quand même, du côté de la bourgeoisie germanophone, bien que juif, c'est-à-dire dans une position un peu marginalisée par rapport aux germanophones, mais par rapport à la grande masse des Tchèques, sans aucun doute et absolument de l'autre côté. C'est-à-dire d'abord un écrivain germanophone. Eh bien, nous le savons bien que, donc du côté des mauvais, si j'ose dire, du côté, non pas du côté du nationalisme tchèque montant, etc., mais du côté de ceux qui sont là et à qui on va dire très vite « Pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes pas chez vous. » De ceux qui parlent allemand et qui sont des bourgeois à Prague. Et c'est pourtant Kafka, nous le savons, qui a cette écriture de la déterritorialisation, l'écriture de la non-maîtrise, une écriture de la fragilité avec son devenir animal, son devenir chose. Bon, je ne vais pas reparler de Kafka que vous connaissez, mais je veux dire que le fait d'être du mauvais côté de la barrière, si je me permets cette expression sociologique, ne l'a pas empêché d'être l'écrivain porteur de toutes sortes de visions, de prémonitions sur l'oppression, etc. Donc je veux dire que le fait que Marie Cardinal ait été du côté des petits blancs colonisateurs ne l'aurait pas dans l'absolu empêché de produire une écriture, etc. Alors je me méfie un peu, puisque notre colloque a porté surtout sur l'écriture, et parce que je suis dans un département de sociologie, donc très sensibilisée à la chose, de créer des déterminations trop directes entre la position sociale de l'écrivain et le produit de son écriture. Et ça m'amène à la dernière question à laquelle je suis incapable de répondre, mais peut-être que ça va lancer la discussion, le facteur femme. Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas. Est-ce, comme l'a laissé entendre Armel Chitrit pour Julia Kristeva, un refoulé, quelque chose qui ne se serait pas avoué? Est-ce une détermination qui ne joue pas ou qui n'a pas joué? Je n'en sais rien. Et je ne sais toujours pas, après tant d'années d'interrogation, comment cette détermination-là joue dans l'écriture. Alors, j'ouvre le débat. Naïm. Oui, je voulais simplement... Naïm voudrait répondre brièvement. Non, je ne réponds pas, je veux simplement poursuivre, mais un seul point, parce que sur la détériorisation, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Sur Abraham, parce que j'ai écrit un texte dans le livre Le Père, mon livre Le Père, où j'imagine Abraham retournant à Our. Et là, il ne se reconnaît pas, il ne reconnaît personne, il ne reconnaît pas la terre. Alors, on est tout à fait d'accord, Abraham ne peut pas retourner. Je l'ai imaginé à vouloir retourner et je l'ai écrit. Et après, c'était après la mort de sa femme, de Sarah, qu'il décide de retourner pour revoir ses ancêtres. Il ne reconnaît personne. Il y a une vieille tante, et ça j'ai suivi le texte biblique d'une vieille tante qui était encore vivante. Et il retourne à nouveau de là où il est parti et il se remarie et il a 50 enfants. Et c'est ça dans le texte biblique aussi. Alors donc, il n'y a pas, sur ce plan-là, on est d'accord, mais c'est tout. Merci Naïm et Régime pour vos interventions fort riches et éclairantes. J'aimerais maintenant vous inviter à répondre aux questions suscitées par les interventions et par votre assistance au colloque. Il y a un micro... de chaque côté là, alors vous pouvez l'utiliser ou parler fort. Il y a un micro là. Oh, c'est enregistré, donc il faut parler au micro. C'est à propos de Kafka. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Naïm et de Madame Robin, mais à propos de Kafka et de Cardinal, je me pose... Donc, est-ce que le micro fonctionne? Oui. Non, je voulais dire à propos de Kafka. Il faut descendre l'escalier, voilà. Non, à propos de Kafka, si vous permettez. Ouais, voilà, parce que t'es trop grand. Oui. À propos de Kafka, je me dis, est-ce que le facteur juif ne joue pas? C'est-à-dire que Madame Cardinal est européenne, catholique. Je dirais qu'elle est à 100% du côté du pouvoir. Et chez Kafka, il y a peut-être le facteur juif qui joue. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne faut pas faire de... Parce que, d'une part, le marxisme nous l'a appris, même si le marxisme n'est plus à la mode. Bon, le cas de Balzac, par exemple, on peut être du côté... Et en Haïti, on l'a vu, par exemple, un écrivain comme Jacques Roumain, qui est un grand bourgeois, l'un des plus grands bourgeois d'Haïti, était du côté des opprimés. Donc, il n'y a aucune, je dirais... surdétermination de la classe d'appartenance à la naissance. Moi, je fais très, très attention à ce que j'appelle la classe d'appartenance à la naissance et la classe d'appartenance intellectuelle, parce qu'on peut choisir son camp en tant qu'intellectuel. Mais je me demande, dans le cas de Cardinal, est-ce que ça n'a pas joué? Enfin, c'est une question. Voilà. Alors, je suis totalement incapable de répondre pour Marie Cardinal, mais je crois qu'il y a quelqu'un de spécialiste là, dans la salle qui pourrait la défendre un peu. Je me sens presque coupable. Mais dans le cas de Kafka, vous avez parfaitement raison. Bien sûr que le facteur juif joue... Mais il travaille dans une complexité très importante qui est quand même le rapport ambivalent qu'a Kafka à l'institution littéraire allemande. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez Kafka, bien qu'il dise en permanence détester l'allemand qui est sa langue, en disant c'est pas ma langue, c'est une langue d'emprunt, je suis invité de la langue allemande, mais je ne sais pas ma langue. Donc il a un rapport très ambivalent, mais quand on voit bien, quand on connaît son journal et sa correspondance, on voit bien qu'il est totalement incapable de s'arracher à l'allemand et qu'en plus il a une ambition de s'insérer dans cette littérature et le fantasme c'est faire aussi bien que Goethe. Et c'est bien parce qu'il se sent tout petit et qu'il pense ne pas arriver à faire aussi bien que Goethe qu'il imagine un soir de Noël Et ce qu'il fonde, ce terme de littérature mineure, où il dit, mais si j'étais un écrivain d'une petite culture, par exemple, il a comme modèle à ce moment-là, soit la culture juive yiddish de Varsovie, à cause de cette troupe de théâtre qui est arrivée à Prague, ou les Tchèques, qui à l'époque ne se sont pas encore imposés internationalement comme grande littérature, et Kafka les voit comme une petite culture qui essaye de promouvoir sa littérature. Et il les envie. Il se dit, mais si j'étais tchèque ou si j'étais un juif de l'Est parlant yiddish, je pourrais être un écrivain un peu plus décontracté parce qu'eux, ils n'ont pas de grands écrivains, dit-il. Et là, on voit bien qu'il appartient à une culture dominante quand même, ethnocentrique, etc. Et donc, même si je n'ai pas un grand talent, je serais immédiatement consacré comme grand écrivain. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se heurte à Goethe, etc. Donc, ce que je veux dire, je ne veux pas prendre trop de temps à vous répondre, mais ce que je veux dire, c'est que oui, le facteur juif est fondamental chez Kafka, mais il est compliqué. Il est transgénie et mystérieux. Oui. Il a un génie tel que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même de l'autre côté de cette espèce de barrière simple, c'est ça que je voulais dire, qui fait que quand il y a une manifestation tchèque, il y a aussi de l'antisémitisme tchèque, et que lui, il est à son balcon et qu'il écrit dans le journal « Nous vivons protégés par la police », etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'antisémitisme d'un côté. Puis quand c'est pas parce qu'il est juif qu'il y a une manifestation, c'est son copain qui a reçu une espèce de caillou dans l'œil en se bagarrant avec des petits garçons tchèques, qui a perdu...